إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue maintenant la troisième partie dans l'explication de ce livre Qurratu Uyun al-Muwahhidin avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et donc on est toujours dans le premier chapitre qui est un peu une introduction ou une explication de qu'est-ce que c'est le tawhid. Et donc il dit le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan yukhbiru ta'ala, ça c'est après avoir mentionné le verset 36 dans sourate An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Après avoir mentionné le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons suscité dans chaque nation un messager pour leur dire, adorez Allah seul et écartez-vous du tagut. Donc il dit ensuite, يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ بَعَثَ فِي كُلِّ قَرْنٍ وَطَائِفَةٍ من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه فمنهم من هدى الله ووحد الله تعالى بالعبادة وأطاع رسله ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا التوحيد الذي خلق له ودعوا إليه هو توحيد الألوهية توحيد القصد والطلب وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد وأكثر الأمم قد أقروا به لله. Donc ici le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit que Allah nous informe dans ce verset que il a envoyé dans chaque génération, dans chaque groupe, dans chaque portion des différentes nations un messager qui les appelle à l'adoration d'Allah seul et qui leur interdit d'adorer ce que le shaitan leur a embelli d'adorer et qui les a fait tomber dans l'adoration d'autres que lui. Donc parmi les hommes, il y en a certains que Allah a guidés et qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et qui ont obéi à ses messagers, et parmi eux il y en a d'autres contre qui la parole d'égarement, hein, l'égarement s'est avéré vrai, et ceux-là, ils ont commis le shirk, ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala en adorant d'autres que lui, et ils n'ont pas accepté la guidance d'Allah qui est venue de la part des messagers. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, et nous n'avons envoyé avant toi de messagers, hein, nous n'avons envoyé avant toi de messagers, excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Et c'est le verset 25 dans Sourate Al-Anbiya. Et ce tawhid, c'est le tawhid pour lequel ils ont été créés et auquel ils ont été appelés. Et c'est le tawhid dans l'adoration. C'est le tawhid dans l'objectif et dans la requête, dans la demande. Tandis que le tawhid al-Rububiyya, ou bien le tawhid dans les, dons, dans les noms et dans les attributs, et le tawhid dans les actions d'Allah, eh bien, cette catégorie de tawhid fait partie des catégories de tawhid dans la science et dans la croyance. Hein? On peut dire que c'est l'aspect yani, théorique de la, du tawhid. D'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs, et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans, dans sa seigneurie. Hein? Ça, c'est dans la connaissance et c'est dans la croyance. Tandis que l'autre aspect, c'est la pratique, comme on l'expliquait au début. Et la plupart des nations ont accepté l'unicité d'Allah dans ces questions-là, dans la croyance et dans la connaissance et dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan à propos de ces différents points qu'on vient de lire. Il explique que Al-Qarn en arabe, c'est Al-Umma. Et c'est la, la génération al-jail min al-nas wa al-ta'ifa al-qit'atu min al-bashar. Al-ta'ifa, c'est une partie, un groupe d'êtres humains. Ensuite, il explique par rapport au fait que certains ont été égarés et qu'ils ont associé d'autres avec Allah, il dit ma'khudhun min qawlihi ta'ala fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dalalah. وهذه الآية تبين قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالناس خلقهم الله لعبادته ولكنهم انقسموا إلى قسمين فمنهم من عبد الله سبحانه وتعالى ومنهم من أشرك بالله عز وجل مما يدل على أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها وقد تقع وقد لا تقع فلا يقال إذا كان الله خلق الخلق لعبادته فلماذا حصل الشرك فنقول هذه حكمة من الله حكمة الله عز وجل من أجل الابتلاء والامتحان وليترك الاختيار للبشر فالإنسان يشرك بإرادته واختياره فيستحق العقاب أو يوحد ويخلص العبادة أو يوحد ويخلص العبادة لله بإرادته واختياره فيستحق الجنة. Donc le cheikh il explique que le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, bon, la parole qu'il a mentionnée du fait que certains sont guidés au tawhid et d'autres sont égarés et qu'ils associent avec Allah, c'est tiré du verset qu'on avait lu hier, le verset 36 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que parmi eux certains ont été guidés et d'autres parmi eux ont été ou bien plutôt la parole d'égarement s'est avérée vraie à leur sujet, c'est-à-dire ils se sont égarés. Et donc ces deux versets-là expliquent le verset 56 dans Sourate Al-Dhariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « nous n'avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Parce que les hommes, Allah les a créés pour son adoration, mais ils sont divisés en deux catégories. Il y en a parmi eux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul, et il y en a d'autres parmi eux qui ont commis le shirk, qui ont associé avec lui. Ce qui prouve que la volonté religieuse, la volonté d'Allah qui est religieuse, elle ne se produit pas nécessairement. Elle ne se produit pas nécessairement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se produire comme elle peut ne pas se produire également. Hein, comme par exemple, le cheikh il dit, si quelqu'un posait la question, si Allah a créé les hommes pour son adoration, alors comment se fait-il qu'il y a du shirk qui se produit, comment se fait-il qu'il existe du shirk dans le monde? Si Allah nous a créés pour qu'on l'adore lui seul, pourquoi il y a du shirk dans le monde? Et donc il dit, on répond à ça en disant que cela fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le but de tester et de mettre les hommes à l'épreuve, hein, il nous a laissé le choix. Il a laissé à l'homme le choix. Donc, l'homme qui commet le shirk, hein, et qui fait le shirk par son propre choix et par sa propre volonté, eh bien, il mérite le châtiment. Tandis que celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala et qui a rendu son adoration pour Allah pur, eh bien, il le fait par sa volonté et par son choix. et par conséquent, il mérite le paradis. Donc ça, c'est l'explication à ce sujet-là. Il dit, en ce qui concerne le verset, yani, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons envoyé avant toi, il y a l'autre verset, le verset dit, أني عبد الله واجتنب الطاغوت وهنا قال إلا أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. C'est-à-dire, il fait la relation entre les deux versets. La relation entre le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour dire aux hommes, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons envoyé avant toi un messager excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi. Alors adorez-moi. C'est pour dire que c'est la même formule en fait. C'est l'affirmation du tawhid et la négation du shirk. Ensuite, il dit à propos de l'appellation du tawhid, quand il mentionne le terme tawhid al-qasdi wal-talab, tawhid al-qasdi wal-talab, il dit ليس هو توحيد الربوبية لأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولكن إقرارهم به اقتصار واقتصارهم عليه لا يكفيهم ولا يخرجهم من الكفر فأبو لهب وأبو جهل وصناديد المشركين يقرون بتوحيد الربوبية بل إنهم في حالة الشدة يخلصون في توحيد العبادة ويخلصون في الدعاء يخلصون الدعاء لله عز وجل. Donc, il explique que, en fait, le tawhid auquel les hommes ont été appelés, comme on l'a expliqué hier, c'est le tawhid dans l'adoration et non pas le tawhid dans la rububiyya. Parce que les mushrikoun, ils l'ont déjà accepté celui-là, ils l'ont approuvé et ils y croient. Et de s'y limiter n'est pas suffisant et cela ne les fait pas sortir de la mécréance parce que Abu Lahab, Abu Jahl et les têtes des mushrikins de Quraysh, eh bien, ils avaient déjà accepté l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Même que dans les moments de difficulté et de détresse, eh bien, ils adoraient Allah seul. Hein, et ils purifiaient leur adoration. Donc c'est comme si dans les moments de détresse, ils croient au tawhid al-uluhiyya. Mais en dehors des moments de détresse, yani, ils rejettent tawhid al-uluhiyya et il n'affirme que tawhid al-rububiyya. Donc ensuite le cheikh il explique, il dit que le tawhid dans la rububiyya, ou bien on peut l'appeler tawhid al-af'al, c'est-à-dire le tawhid des actions d'Allah, ou le tawhid dans la science et dans la croyance, yani tawhid al-asma wa sifat. Tout ça, ça rentre dans la catégorie de la connaissance et de la croyance. Et la plupart des hommes l'ont accepté. Il dit, ينقسم التوحيد إلى قسمين على سبيل الإجمال. القسم الأول توحيد الخبر العلمي وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فكل الآيات التي تخبر عن الله وأفعاله وأسمائه وصفاته فهي التوحيد الخبري العلمي. والقسم الثاني التوحيد الطلبي القصدي وهو توحيد الألوهية وكل الآيات التي تأمر بعبادة الله ودعائه والتقرب إليه فهو في توحيد الطلب والقصد فعلى هذا التقسيم يكون توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد الربوبية وإنما فصل وصار قسما ثالثا لما جاءت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الأسماء والصفات فجعل قسما ثالثا للرد عليهم والا فهو داخل في توحيد الربوبيه. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique maintenant, c'est que de façon générale on peut diviser le tawhid en deux catégories seulement, c'est-à-dire le tawhid dans l'information et dans la connaissance, c'est-à-dire le tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma wa sifat. Ces deux catégories là on peut les mettre en une seule. Pourquoi? Parce que les deux concernent, où les deux sont au sujet de la connaissance d'Allah et les actions d'Allah. Donc, il y a certains ulama qui les considèrent comme une seule, et qui l'appellent le tawhid al-khabari al-ilmi, le tawhid dans la connaissance et dans l'information. Et, dans l'autre catégorie, c'est al-talabi al-qasdi, tawhid al-talabi al-qasdi. C'est-à-dire le tawhid dans la requête, qu'est-ce que Allah nous demande de faire, et également dans l'intention et l'objectif de notre adoration. Et ça, c'est le tawhid dans al-uluhiyyah, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration, et tous les versets qui parlent de l'adoration d'Allah et de son invocation et de se rapprocher de lui sont reliés à cette catégorie-là. Et donc, il dit que selon cette division-là du tawhid en deux catégories, eh bien, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni tawhid al-asma wa sifat et ils l'ont entré dans tawhid al-rububiyya. Ils l'ont fait rentrer dans l'unicité d'Allah, dans la seigneurie. Et quand est-ce qu'il explique pourquoi on en a fait une troisième catégorie, pourquoi on a séparé al-rububiyya et al-asma wa sifat en deux, pourquoi on en a fait deux séparés? C'est, il dit, lorsque sont apparus les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira qui nient les noms ou les attributs, eh bien, à partir de ce moment-là, on a fait de Tawhid al-Asma wa Sifat une catégorie séparée, pour être capable de les réfuter sur ces aspects-là, sur les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs. Et c'est pour ça que certains ulama, ils divisent le tawhid en trois catégories, mais ces deux catégories-là peuvent également être considérées comme une seule, puisque ces deux catégories-là concernent ou bien se concentrent sur la connaissance d'Allah et ses actions. Ensuite, il dit « Wa aktharu al-umam qad aqarru bihi » يعني أكثر الأمم قد أقروا بتوحيد الربوبية فقد أقر به المؤمن والكافر ومن جحد في الظاهر كفرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري هذا من باب المكابرة وإلا فهو يقر ويعترف في نفسه وقلبه بتوحيد الربوبية وأنه لا يستحق العبادة إلا أحد إلا الله ولهذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فموسى حلف أن فرعون يعلم أن الربوبية والإلهية لله عز وجل ولكنه عاند وكابر في الظاهر وإبقاء على رئاسته وملكه بزعمه فالذي جحدوا في الظاهر هم قلة معترفون به في الباطن كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها أي في الظاهر واستيقنتها أنفسهم يعني أي في الباطن ظلما وعلوا أي من أجل الظلم والعلو على الناس. Donc le cheikh il explique que la plupart des hommes ont accepté la rububiyya et ils y ont cru. Même le croyant et le mécréant ils croient en la rububiyya. Et il dit que ceux qui ont renié la rububiyya en apparence, c'est-à-dire les athées par exemple, les gens qui refusent d'accepter l'existence de Dieu ou qui refusent de croire en, d'admettre qu'il existe et qui refusent, par exemple, de l'adorer, eh bien, cette catégorie-là, ils ne l'ont renié qu'en apparence. Et il donne l'exemple de Pharaon. Il dit, par exemple, Pharaon, lorsqu'il a dit dans An-Nazi'at, le verset 24, il dit Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le très haut. Ou bien lorsqu'il dit dans Surat al-Qasas le verset 38, je ne connais pour vous aucune autre divinité que moi. Il dit bien, ça en réalité c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance seulement. Parce que au fond de lui, il sait très bien que Allah existe, mais il le nie par arrogance et par orgueil. Il dit parce que il reconnaît en lui-même et dans son cœur la véracité de l'unicité d'Allah dans la rububiyya. Il reconnaît ça. Et il reconnaît également que seulement Allah mérite l'adoration, personne d'autre que lui. Et c'est pour ça que Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite Moussa dans le verset 102 dans Surat al-Isra, hein, qui dit وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَا أَنْزَلَ هَاُولَا. Tu sais très bien que celui qui a fait descendre ces différents malheurs sur vous, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne excepté le Seigneur des cieux et de la terre qui les a fait descendre ces plaies, hein, et ces malheurs sur l'Égypte, hein. Tu sais très bien que c'est Allah qui a fait descendre ça, et tu le sais avec certitude, basa'ir, tu le sais avec conviction, avec certitude. Donc Moussa, il jure que Pharaon connaît la rububiyya d'Allah, hein, et qu'il sait que c'est Allah seul qui mérite l'adoration au fond de lui-même, mais parce qu'il veut être arrogant et il veut être orgueilleux en apparence, et il veut également garder son statut, il veut garder son pouvoir, il veut garder son autorité, il veut garder son royaume. Alors il dit le cheikh que ceux qui renient en apparence l'unicité d'Allah dans la rububiyya et qui renient son existence et son unicité, eh bien ceux-là en réalité ils le renient seulement en apparence. Donc tous ces gens-là que vous rencontrez là qui disent moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu, la vérité ils savent au fond d'eux-mêmes que Dieu existe, c'est juste de l'orgueil et de l'arrogance, et c'est comme ça qu'ils refusent de le reconnaître. Et la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 14 dans sourate An-Naml, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils l'ont renié, hein, avec, yani, en apparence, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Et en eux-mêmes, leur âme, elle est convaincue, hein, elle a la certitude à l'intérieur que c'est la vérité, mais ils l'ont renié par arrogance, hein, ils l'ont renié par injustice, ils l'ont renié par, yani, pour être au-dessus des gens, pour se mettre au-dessus des autres, et refuser la vérité. Ensuite, le Cheikh Hassan Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, il dit wa amma tawhid al-ilahiyya fa aktharuhum qad jahaduhu kama qala ta'ala an qawm Hud lamma qala lahum an ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh wa qalu aj'atana lin'abuda Allah wahdahu wa qala mushriku Quraysh أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وهذه الآية هي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وتبين معنى الآية التي قبلها. Donc le cheikh il explique ensuite que en ce qui concerne le tawhid dans l'adoration, eh bien ils l'ont renié, les mushrikoun, et c'est ce que Allah a mentionné à propos du peuple de Hud alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, hein, que Hud a dit à son peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui, verset 32 dans surat al-mu'minun. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit et wa qalu, c'est à dire ils ont dit, le peuple de Hud, qalu, ils ont dit, et est-ce que tu nous es venu pour qu'on adore Allah seul, hein? Est-ce que tu nous es venu pour qu'on adore Allah seul et qu'on abandonne nos idoles? Ça veut dire ils savent que le tawhid c'est d'adorer Allah seul, et que yani, c'est ça la signification du témoignage de la ilaha illallah, et c'est à ça que Hud est en train de les appeler. Donc ils savent ça, hein? Et il dit également, ça c'est dans le verset, dans Surat al-A'raf, le verset 70, il dit, et les mushrikoun de Quraysh, ils ont dit une parole semblable. Dans Surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'ils ont dit, a-t-il fait de toutes nos divinités une divinité unique? A-t-il fait de toutes nos divinités une divinité unique? C'est-à-dire qu'on va, au lieu d'adorer toutes nos idoles, on va adorer Allah seul? Il dit ça, c'est une chose étonnante, hein? Et donc tout ça, et le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit al-umam al-kafira arafat maqsad ar-rusul wa huwa annahum inma ja'u yatlubuna tawhid al-uluhiyya wa lidhalika qalu atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una فذهبوا للعبادة، يعني ذهبوا للعبادة، ما قالوا توحيد الربوبية. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهموا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة وليس إفراد الله بالربوبية. فالمشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله، وعباد القبور اليوم يدعون الإسلام وهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، بل علماؤهم المتبحرون في الفقه والنحو والتفسير والحديث يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لا ينكرون عبادة القبور، بل قد يمارسونها وهم علماء. الله المستعان. Donc le cheikh il dit les différentes nations mécréantes, ils ont su l'objectif et le but, et l'intention des messagers, que c'était de les appeler à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne leurs paroles, par exemple verset 62 dans sourate Hud, lorsqu'il les cite en disant, ils disent à leur prophète, est-ce que tu nous interdis d'adorer ce que nos pères adoraient? Est-ce que tu es venu pour nous interdire d'adorer ce que nos pères, nos ancêtres adoraient, c'est-à-dire les idoles? Est-ce que tu es venu pour nous empêcher d'adorer nos idoles? Donc tout de suite ils ont compris que le but et la da'wa des messagers, c'était l'adoration. Tandis que la rububiya, ils savaient que c'était pas la rububiya. Et quand ils ont dit, quand le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Quraysh, dites la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur dire, il y a juste un créateur, vous devez croire en un Dieu unique seulement? Non. Pourquoi? La preuve qu'ils n'ont pas compris ça et qu'ils ont compris l'adoration, c'est qu'ils ont répondu en disant أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. A-t-il fait de tout ce que tous les objets d'adoration que nous avons, il les a reniés et il veut qu'on adore Allah seul à la place? Ça c'est la preuve qu'ils ont compris que le message de la ilaha illallah, c'était pas seulement un message d'affirmer l'existence de Dieu unique et de dire que Dieu existe et qu'il est un. Mais c'est plutôt un message pour confirmer en plus que non seulement Allah est unique, mais c'est lui seul qu'il faut adorer et rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc ils ont compris la signification de la ilaha illallah et que c'est d'unifier Allah dans l'adoration et non pas uniquement d'unifier Allah dans la seigneurie. Et la raison pourquoi le cheikh il explique tout ça, c'est parce qu'il dit les mushrikoun d'avant, ils comprenaient donc la signification de la ilaha illallah et que ça signifiait que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Tandis que les adorateurs des tombes aujourd'hui, qui prétendent être musulmans, dans la plupart des pays musulmans, tu les vois aller adorer des saints et des morts et des tombes. Et ils savent, il dit, ils ne savent pas ce que signifie la ilaha illallah par contre. Les mushrikoun d'avant ont compris la signification de la ilaha illallah. Tandis que ceux-là aujourd'hui, des gens qui se disent musulmans et qui disent la ilaha illallah jour et nuit et qui le répètent à plein de moments de la journée, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que la preuve qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'ils font le contraire de ce que cette parole enseigne et qu'est-ce que cette parole indique. Et il dit que même certains d'entre eux sont des savants dans le fiqh, sont des savants dans la grammaire arabe, sont des savants dans le tafsir, sont des savants dans le hadith. Et si tu vas à l'Azhar et tu vas dans d'autres universités dans les pays musulmans, tu vois que ces gens-là effectivement ils ont du ilm dans différentes sciences, mais yani, il dit, quand tu leur demandes la signification de la ilaha illallah, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire, il n'y a personne qui peut créer excepté Allah. Al-qudra ala l'ikhtira', il dit. La capacité de créer. Que c'est ça la signification de la ilaha illallah. Alors qu'on voit clairement que tout ce qui est mentionné dans le Coran à ce sujet-là vient pour démentir ça. Et prouver que ce n'était pas ça la signification de la ilaha illallah. Donc quand tu vois des savants de fiqh, de grammaire, de tafsir, de hadith, et qui ne savent pas la signification de la ilaha illallah, et qui ne condamnent pas l'adoration des morts et des tombes, même que parfois même eux, ils le pratiquent avec les gens qui le font, Ils le font eux aussi avec eux. Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là n'ont pas compris. Et ça, c'est la plupart des savants qui ont pas étudié la réalité du tawhid. Ils ont appris la philosophie à la place. Hein? Parce que c'est ça ce qu'ils enseignent dans l'aqidah. Quand tu vas dans ces universités comme Al-Azhar et autres, quand ils parlent d'aqidah, pour eux, c'est la philosophie. C'est ça l'aqidah. Et pour eux, ça comprend juste de connaître les preuves pour être capable d'affirmer que Dieu existe. Yani les preuves de l'existence de Dieu, c'est ça le tawhid pour eux. Et la preuve qu'il est unique. Mais en ce qui concerne l'adoration, une fois, yani, l'adoration pour eux, yani, c'est pas grave si tu adores autre que Allah. Du moment que tu crois que c'est Allah seul qui est le créateur, t'es pas un mouchrik. Et tu vois que ça c'est une erreur totale, yani, une erreur évidente. Et le cheikh il dit ensuite, « والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فقوله أهل كتاب أي أهل علم فدل على أن من العلماء من يحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد وهذا من العجب العجاب. Le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il a dit à Mu'adh, je t'envoie vers des gens du livre. Je t'envoie vers des gens qui sont des gens du livre, qui ont reçu un livre. Donc la première chose à laquelle tu les appelles, soit le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et donc ici, quand il dit des gens du livre, hein, le cheikh il dit, ça signifie en fait des gens qui ont de la science, des gens qui ont reçu de la science. Et donc, ça c'est la preuve qu'il peut y avoir parfois des ulama qui ont besoin de da'wah au tawhid aussi. Et ça c'est parmi les choses les plus étonnantes. Hein? Effectivement. Donc, le cheikh il continue ensuite et il dit à propos du verset وَهِيَ قَوْلُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ تَبَيَّنَ مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وكذلك الآيات بعدها وأن المراد بالعبادة التي خلق لها أن المراد بالعبادة التي خلق لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا من كان فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله. Donc le cheikh il dit donc que le verset, nous avons envoyé à chaque umma, à chaque nation un messager en leur disant adorez Allah et écartez-vous du tarot. Ça c'est quelque chose qui clarifie le verset qui est avant, de même que les versets qui sont mentionnés après, hein, dans Kitab al-Tawhid. Et le cheikh il dit وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا ليعبدون وأنه خلقهم لعبادته فمنهم من قام بهذا الواجب ومنهم من أخل به لأن توحيد الألوهية من أفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم. Donc c'est-à-dire les versets qui sont avant, c'est-à-dire le verset qui était mentionné avant, le verset qu'on a lu avant, c'était je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, et c'est-à-dire qu'il les a créés pour leur adoration. Il y en a qui ont appliqué cette obligation-là, tandis qu'il y en a d'autres qui ont eu des manques dans l'application de ce devoir. Et il dit donc que le tawhid dans l'adoration fait partie des actes des serviteurs, hein, qu'ils font par leur propre volonté, par leur propre, par leur propre choix. Hein. Et il dit ensuite que la réalité de l'adoration à laquelle nous sommes appelés, c'est l'adoration pure, l'adoration dans laquelle il n'y a aucune forme de shirk, et il n'y a pas d'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit rejeter et on doit se désavouer de toute adoration pour autre qui est offerte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou à quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Saleh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله فقط بل لا بد أن يجتنب الشرك فلو صلى وصام وحج واعتمر فكل العبادات ففعل العبادات كلها لكنه يدعو مع الله غيره فإن جميع أعماله تصبح هباء منثورا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا تنفع العبادة إلا مع تجنب الشرك. Donc le cheikh il dit que c'est pas suffisant pour l'homme d'adorer Allah seulement, il faut qu'il s'écarte également du shirk. Il faut qu'il s'écarte complètement du shirk. Donc si quelqu'un fait la salat, fait le jeûne, fait le hajj, fait la umrah, et qu'il fait toutes les autres adorations, mais qu'en même temps il invoque d'autres avec Allah, il prie à d'autres que Allah, il adore un wali. Imaginez le musulman qui vient d'un pays musulman ou qui vient d'ailleurs, qui vient à Mecca pour faire son hajj, qui vient à Mecca pour faire sa umrah, puis quand il arrive par exemple dans Al-Baqi' ou quand il arrive à un autre tombeau ou à un cimetière, au lieu d'adorer Allah seul, il prie à un wali, il prie à un homme pieux, il prie à un sahabi, il prie à un prophète. Il a annulé toute la valeur de tout ce qu'il a fait comme hajj et comme umrah et tout ce qu'il a fait comme adoration durant toute sa vie en faisant cet acte de shirk. Hein, c'est ça ce que le cheikh est en train d'expliquer. Et donc, c'est pas suffisant de dire j'adore Allah. Hein? Il faut que tu rejettes le shirk, il faut que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc il dit que toutes les actions de cette personne deviennent comme de la poussière éparpillée par le vent lorsqu'il commet du shirk. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 65 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel il dit: nous avons révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi, que si tu pratiques le shirk, si tu commets des actes de shirk ou tu fais du shirk, toute ton œuvre sera vaine, toutes tes actions seront nulles et tu seras du nombre des perdants. Hein? Donc, ça c'était mentionné à propos de qui? À propos du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de tous les prophètes qui ont été envoyés avant lui. Et c'est un avertissement pour eux en premier, mais en même temps c'est un avertissement pour tous les musulmans aussi, puisque les prophètes et les messagers, eux, sont protégés par Allah de tomber dans ce genre de choses, de tomber dans le shirk. Tandis que c'est des choses qui nous menacent, nous. Mais Allah, il donne cet exemple pour faire comprendre que si c'est le cas pour le messager, alors c'est encore plus le cas pour nous, que nos œuvres, si on commet du shirk, elles seront vaines. Et donc, dans ce cas-là, toutes nos adorations ne serviront à rien, sauf si on s'est écarté du shirk. Et il dit: wa min huna yajib ala al muslimin kama yata'allamun at tawhid, wa min huna yajib ala al muslimin kama yata'allamun at tawhid an yata'allamu al shirk bi anwa'ihi wa asalibihi hatta yajtanibuhu wa illa faqad yaqa'u al insanu fi al shirk wa huwa yadhun annahu ya'budu Allah kama qala ta'ala an kuffari quraish: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فالجهل بالشرك خطير جدا. Le cheikh il dit, et c'est ici que il est obligatoire aux musulmans d'apprendre le tawhid. De la même manière qu'il est obligatoire pour eux d'apprendre le tawhid, il est également et obligatoire pour eux d'apprendre le shirk et d'apprendre les différentes sortes de shirk et les différentes méthodes de shirk et les différentes sortes de shirk pour être capable de s'en écarter. Hein, pour être capable de les reconnaître. Parce que si quelqu'un ne les connaît pas, ne les a pas étudiés, eh bien, il est capable de tomber facilement dans le shirk, en pensant qu'il est en train d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des kuffars de Quraysh, qu'ils ont dit: nous les adorons, c'est-à-dire nos idoles, que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc, ils pensaient que c'était des intermédiaires entre eux et Allah. Donc le fait d'être ignorant du shirk, eh bien ça c'est quelque chose de très dangereux, d'extrêmement dangereux, d'accord? Donc il y a beaucoup de musulmans qui disent: non, c'est pas nécessaire d'apprendre le shirk, l'important c'est de connaître notre religion, d'apprendre la vérité. Hein? C'est pas nécessaire de connaître le kufr, c'est pas nécessaire de connaître le shirk, c'est pas nécessaire de connaître les bid'ah. Hein? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'il a dit Hudhayfa? Il a dit, يعني كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. C'est-à-dire, les gens ils demandaient à propos du bien, Moi, je demandais à propos du mal par peur de tomber dedans, par peur que ces choses-là m'arrivent. Donc, c'est par précaution, hein, c'est par prévention qu'on apprend le mal, qu'on apprend le shirk, qu'on apprend le kufr, pour être capable justement d'être averti et d'avoir les connaissances suffisantes pour être capable de s'en prémunir, puis de l'éloigner. Mais si on ne le connaît pas, c'est facile de tomber dedans. Hein? Donc, le cheikh il dit, « وَالَّذِينَ يَقُولُونَ عَلِّمُوا النَّاسَ التَّوْحِيدِ وَطَرِيقَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَلَا تُعَلِّمُوهُمُ الشِّرْكِ وَالْفِرَقِ وَالطُّرُقِ وَالطُّرُقِ الضَّالَّةِ هَذَا ضَلَالٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَمَعْرِفَةِ الْبَاطِلِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْلُكَ الْإِنسَانُ طَرِيقَ الْحَقِّ ويجتنب طريق الباطل حتى لا يقع فيه وهو يظن أنه حق. Donc le cheikh il dit, ceux qui disent apprenez aux gens le tawhid, apprenez aux gens la voie d'Ahl Sunnah, ne leur enseignez pas le shirk et ne leur enseignez pas les différentes sectes et les différents groupes d'égarements, il dit ça c'est de l'égarement même. Il dit pourquoi? Parce que il faut connaître la vérité, et non seulement il faut connaître la vérité, il faut aussi connaître le faux. Il faut aussi connaître le faux pour que les gens puissent emprunter le chemin de la vérité et s'écarter du chemin du faux. Sinon, ils vont tomber dedans en pensant que c'est la vérité. C'est ça le danger. Hein? C'est ça le danger. Et donc, l'exemple même que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ » لِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ » Pour que la voie des criminels devienne claire. Hein? Qu'elle soit claire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas seulement clarifié dans le Coran le chemin des prophètes et de la foi, il a aussi expliqué et clarifié le chemin des gens de l'égarement et de la mécréance et du shirk pour que les gens puissent s'en préserver, pour que les gens puissent être protégés, pour que les gens puissent être éloignés de ça. Et le cheikh il dit ensuite, à propos du fait que le croyant, il doit non seulement adorer Allah, mais il doit aussi se désavouer de l'adoration de tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah, et que leurs œuvres ne seront pas valables tant qu'ils ne l'ont pas fait. Et il dit la budda min ifradillahi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwahu wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wa bughdihim wa bughdihim ba'd an-nas yaqulun utruku an-nas ala aqaidihim wa ala ma hum alayhi min ibadati al-qubur wa min at-tasawwuf wal bid'a ومن سائر الفرق واجمعوهم على اسم الإسلام فقط نقول هذا غلط وغش وخديعة ومكر لا يجوز الجمع بين المتناقضات بل لا بد من بيان الحق رضي من رضي وسخط من سخط فمن أراد الله له الهداية قبل ومن أراد الغواية يعني والمكابرة قامت عليه الحجة وبرئت منه الذمة. Ici le cheikh il dit quelque chose qui est important. Il dit que يعني il faut unifier Allah dans l'adoration et abandonner l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors de lui et se désavouer du shirk et de ceux qui pratiquent le shirk et détester ces gens-là et ce qu'ils font. Mais il y a des gens qui disent laissez les gens sur leur croyance. Laissez les gens croire en qu'est-ce qu'ils veulent, hein? Les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent, laissez-les, hein? Celui qui veut adorer les tombes, laisse-les adorer les tombes. Celui qui veut adorer les morts, laisse-les adorer les morts. Celui qui est dans le soufisme et dans le tasawwuf et dans les autres groupes de bid'a et autres, il y en a les différentes sectes, laissez chacun croire en ce qu'il veut et réunissez-les tous en disant on est sur l'islam, on est tous musulmans, hein? Toi t'es soufi, toi t'es chiï, toi t'es khariji, toi t'es mu'tazili, toi t'adores les morts, toi t'adores si, mais on est tous musulmans, hein? On est tous musulmans, on a tous le mot islam qui nous réunit, soi-disant. Et donc le cheikh il dit, ça c'est une grave erreur, et c'est de la tricherie, et c'est de la tromperie, et c'est de la ruse, hein? C'est de la ruse, il n'est pas permis de réunir entre des choses contradictoires. Il n'est pas permis de réunir entre des choses contradictoires. Comment quelque chose peut être vrai et faux en même temps? Comment on peut réunir entre le shirk et le tawhid et dire que ça c'est l'islam? Soit un est vrai ou l'autre, mais les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Donc il faut choisir, soit un côté ou l'autre. Il faut trancher, hein, entre la vérité et le faux. Et donc, ceux qui disent aujourd'hui, c'est ça que les koufars sont en train de dire maintenant. Quand ils voient, par exemple, que les gens sont en train d'appeler à la sunna, appeler à la salafia, clarifier le Coran et la sunna, et expliquer aux gens le tawhid et la aqidah d'Ahl Sunna, hein, ça les dérange. Parce que eux, ils veulent que les gens soient juste sur le terme islam. On est juste musulman. On n'est rien d'autre, mais dans le sens que l'islam, dans ce cas-là, il n'est pas défini. Si celui qui adore la tombe et les morts, et celui qui adore Allah seul et qui renie l'adoration des tombes et des morts, les deux sont musulmans à égal, et qu'ils sont tous les deux considérés pareils, alors dans ce cas-là, c'est quoi l'islam? Est-ce que l'islam, c'est l'adoration des tombes et des morts, ou bien c'est le rejet de l'adoration des tombes et des morts? Hein? Et de dire non, il ne faut pas faire de distinction entre les deux. Donc ça veut dire, pour commencer, il faut définir qu'est-ce que c'est l'islam. C'est quoi l'islam? Si l'islam, c'est le fait d'unifier Allah et de renier le shirk, alors dans ce cas-là, il faut dans ce cas-là faire le trancher et expliquer aux gens que ceux qui pratiquent ces choses-là, eh bien, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Hein, c'est comme ceux qui ont ramené l'idée que, par exemple, il y a des salafis djihadis, puis des salafis quiétistes ou des salafis politiques. Ils réunissent des choses qui sont contradictoires, puis après ils disent tout ça c'est la salafia. Soit que la salafia c'est ça, ou soit c'est la salafia, c'est pas ça. Est-ce que les salafs, ils faisaient du terrorisme, ils tuaient les innocents, ils massacraient les gens, ou bien ils faisaient le contraire de ça? Donc c'est soit un ou c'est soit l'autre, il faut définir les choses. Et eux, les koufars et les munafiqins et les mubtadi'a, eux, ils veulent laisser les choses ambiguës, ils veulent laisser les choses vagues pour que les gens soient dans la confusion et pour qu'on dise qu'on est tous musulmans, mais en réalité, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est d'être musulman. Et on n'a même pas compris qu'est-ce que ça signifie hein, d'être musulman. Ou être musulman, ça signifie juste de dire qu'on est musulman, puis que ça suffit. Donc c'est ça qui est un problème et c'est pour cette raison-là que les ulama d'Ahl Sunna ont toujours mis la plus grande importance dans l'enseignement de la aqida d'Ahl Sunna, dans l'enseignement des principes et des fondements de la croyance islamique pour justement que les musulmans qui se disent musulmans, eh bien ils soient dans la réalité de ce que c'est être un musulman en réalité. Ils savent qu'est-ce que c'est avec preuve. Avec les preuves du Coran et de la Sunna, et en revenant à la compréhension des premières générations des salafs salih pour distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc il dit, une fois qu'on a clarifié ça et qu'on a, on a distingué entre les choses qui sont contradictoires, eh bien, on clarifie la vérité. Celui qui est satisfait, il est satisfait. Celui que ça le met en colère, ça le met en colère. Tant pis pour lui. Et le cheikh, il dit, celui qui veut la guidance, il l'accepte, et celui qui veut l'égarement, et l'orgueil, et l'arrogance, la preuve a été établie contre lui. Hein? Et nous, on a rempli notre devoir et notre responsabilité vis-à-vis de lui au jour de la résurrection. On sera innocent. On sera innocent du fait qu'on a fait notre devoir, on a clarifié la vérité. D'accord? Donc tout ça, c'est pour expliquer que yani, ça c'est très important, malheureusement, Allah Musta'an, on vit à une époque où les gens, yani, ils veulent pas accepter la réalité des choses. Illa man rahim Allah. Donc il dit, وَاللَّهُ تَعَلَىٰ خَلَقَ الثَّقَلَيْنِ لِيَعْبُدُوهُ فَمِنْهُمْ مَنْ فَعَلْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَشْرَكَ وَكَفَرَ كَمَا قَالَ تَعَلَىٰ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وبين أن حكمة الرب في خلق الجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه فمنهم من أطاع وهم الأقلون ومنهم من عصى وهم الأكثرون. Donc, le Cheikh, il explique ici, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, que Allah, il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Parmi eux, il y en a qui l'ont fait, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, et qui ont fait le shirk, et qui ont rejeté la foi, et qui ont commis le kofr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il dit dans le verset. Parmi eux, il y en a qui ont été guidés, et d'autres, contre qui l'égarement s'est avéré vrai. Et il dit, et nous n'avons envoyé de messagers, excepté pour qu'ils soient obéis. Excepté pour qu'ils soient obéis. Il n'a pas dit excepté pour qu'ils soient adorés, hein, excepté pour qu'ils soient obéis. Nous n'avons envoyé de messagers, excepté pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Il y en a qui ont inversé ça parmi les gens de bid'a et de shirk, et ils ont compris qu'il fallait adorer les prophètes. Et c'est ce que les chrétiens ont fait avec Jésus, par exemple. Et donc, il explique dans ce verset la sagesse d'Allah d'avoir créé les djinns et d'avoir créé les hommes. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé les djinns et les hommes pour cette raison, eh bien, ça n'implique pas que les créatures vont nécessairement le mettre en application et le faire. Hein? Ce pourquoi les messagers ont été envoyés, ça ne veut pas dire que ce but-là et cette sagesse-là va être respecté. Il dit, et c'est pour cette raison-là que, yani, c'est pour la sagesse, pour cette sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr celui qui ne l'a pas adoré uniquement, et celui qui n'a pas accepté ce que les messagers ont amené, et le messager, Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré de combattre ceux-là, de combattre ceux qui refusaient, hein, de l'adorer seul. Donc ceux qui ont obéi sont la minorité parmi les hommes. Et ceux qui ont accepté, ceux qui ont obéi aux messagers sont la minorité, tandis que ceux qui ont désobéi sont la majorité. Et ça, c'est la réalité quand on regarde le monde entier maintenant, aujourd'hui. La plupart des hommes sont dans le shirk. La plupart de l'humanité sont dans le shirk. Et le shirk, il dit, يعني وهذا يدل على أن الهداية بيد الله فلا يكفي أن الإنسان تعلم وعرف بل لا بد من هداية الله له سبحانه وتعالى وإلا فكثير من المشركين عندهم علم ومعرفة ولكن لم يحصلوا على الهداية والتوفيق من الله. Donc il dit, ça c'est la preuve que la guidance c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que c'est pas suffisant juste que quelqu'un apprenne et ait de la connaissance et du savoir. Beaucoup de gens ont de la connaissance et du savoir. Et pourtant, hein, même parmi les mouchriquins, il y en a qui ont de la connaissance et du savoir, qui sont très intelligents. Hein? Il y en a des gens, c'est des sommités dans différents domaines. Hein? Dans les mathématiques, dans la physique, dans l'informatique, dans les sciences, des mouchriquins qui sont... Hein, des docteurs dans ces domaines-là et qui sont des sommités dans ces domaines-là, et pourtant ils adorent des idoles, ils adorent autre que Allah, ils font le shirk. Donc ça, c'est la preuve que la guidance, ça vient d'Allah, c'est pas quelque chose qui vient seulement de l'intelligence ou du fait de comprendre ou de connaître des choses. Quelqu'un peut connaître et être égaré, hein, c'est pour ça que donc il faut demander la guidance à Allah, hein. Après, le Cheikh, il explique, il dit, wa khalaq Allahu al-khalq li'ibadatihi wa hadha huwa al-asl. Faman kharaja min hadha al-asl wa 'abada ghayra Allah sara 'abdan lish-shaytan wastahaqqa al-'uquba min Allah. Wal ladhina yaquluna al-an bihurriyati al-adyan wal-i'tiqad wa qawluhum hadha batil. Fala yujadu hurriyatu al-adyan, la yujadu hurriyatun fil adyan wal-'aqa'id li'anna ad-din wahidun. والعقيدة واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وما خالفها فهو كفر وضلال ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فمن أبى أن يعبد الله ابتلي بعبادة غيره عز وجل من الشهوات والمحرمات والطواغيت وغير ذلك وأذله الله سبحانه وتعالى وجعله عبدا لعبيده عقوبة منه سبحانه فهو إما عبد لله وإما عبد للشيطان ولا بد من هذا. Donc le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création pour qu'il soit adoré. Il a créé la créature, la création, pour qu'il soit adoré. Hein? Et ça, c'est la base. Ça, c'est la base dans le fait qu'il a créé les hommes pour cette raison-là et pour cet objectif-là, pour qu'il soit adoré. Sauf qu'il y en a des hommes qui sont sortis de cette base-là et qui ont adoré autre que Allah. Ils ont adoré le shaitan à la place et donc ils ont mérité le châtiment d'Allah. Donc ceux qui aujourd'hui, le cheikh il dit, ceux qui aujourd'hui appellent à la liberté des religions et à la liberté des croyances, il dit ça c'est une parole qui est totalement fausse. Il dit que il n'y a pas de liberté de croyance, il n'y a pas de liberté de religion. Parce que la vérité, c'est qu'il y a une seule religion qui est bonne. Il y a une seule religion qui est vraie, c'est l'islam. La aqida, la croyance, c'est une seule croyance, une seule et unique croyance. Il n'y en a pas plusieurs. Hein? Il n'y en a pas plusieurs que Allah va accepter, il y en a juste une. Et c'est l'adoration d'Allah seul. Hein? Sans partenaire, sans associé. Et toute personne qui contredit cette croyance et qui contredit cette religion, eh bien, il est dans le coffre et il est dans l'égarement. Hein? Et donc ça c'est important, parce qu'on vit dans une époque où les gens ont l'idée que la laïcité, toutes les croyances sont pareilles, toutes les religions sont bonnes, toutes les religions sont égales. Hein? Et donc ils disent, vous vivez dans une société, l'État elle protège toutes les religions et elle donne à tout le monde le même droit et l'égalité. Et en réalité, ça c'est un moyen de détruire la religion. C'est un moyen de détruire la religion parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent une religion contre l'autre. Hein? Et si par exemple, et ça c'est une chose que je me rappelle quand à l'école, lorsque je voulais faire la salate, bon ils nous laissaient faire la salate. À l'école au Canada, ils nous laissaient faire la salat dans l'école. Mais ils disaient, parce que c'était des écoles confessionnelles. Au Canada, c'est des écoles confessionnelles, c'est-à-dire soit catholique ou protestante ou autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'école laïque au Canada, hein, ou au Québec en particulier. Et il y avait des groupes de laïcs qui faisaient des pressions pour laïciser les écoles et déconfessionnaliser les écoles. Et donc, parmi leurs arguments, c'était, il faut déconfessionnaliser les écoles, parce que si on les déconfessionnalise là, après, les musulmans, vous pourrez avoir un local de prière dans l'école. Vous allez pouvoir avoir votre propre local de prière. Mais étant donné que maintenant c'est une école catholique, donc on ne peut pas donner aux musulmans une salle de prière. Hein? Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand ils ont déconfessionnalisé les écoles et qu'ils les ont rendues laïques, quand on est venu pour demander une salle de prière, ils ont dit, ben on ne peut pas vous donner une salle de prière parce que si on vous la donne à vous, toutes les autres vont demander des salles de prière. Et donc, il y aura plus de place pour les... Il y aura tellement de salles de prière que il n'y en aura pas pour tout le monde. On ne peut pas vous donner votre congé de Eid. Parce que si on vous donne votre congé de Eid, il va falloir la donner aux Juifs et aux Bouddhistes et aux Hindous et à ça. Donc, en voulant dire... On la donne à personne. Donc, c'est-à-dire, ils utilisent la religion pour combattre les religions. En disant, on les traite toutes à égalité, mais à la fin, c'est-à-dire, on va toutes les bloquer, on va toutes les arrêter. Et donc, de mettre l'islam à égalité avec les autres. Et ça, c'est une ruse. En réalité, c'est une méthode qu'ils ont employée pour arriver à frapper les religions, et en particulier l'islam. S'ils sont capables d'arrêter l'islam de cette façon-là, c'est parce qu'ils vont dire, ben écoutez, si on vous donne à vous les musulmans, il faut donner aux autres aussi, ou si on donne à vous les chrétiens, il faut donner aux musulmans aussi, et ça c'est un jeu qu'ils jouent comme ça pour stopper l'avancement de la religion de l'islam. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par ces idées-là. Et le fait qu'eux, ils disent, oui, tout le monde a la liberté de croyance et des choses de ce genre, ça c'est en théorie. Hein? On sait très bien que tout le monde dans son cœur peut croire à n'importe quoi. Hein? Et personne ne peut savoir en quoi tu crois ou qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Hein? Et quelqu'un ne peut pas te forcer à croire quelque chose ou t'empêcher de croire quelque chose si tu veux y croire. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? C'est que la réalité, c'est que toutes les croyances, elles sont toutes fausses, excepté celle qui est supportée et ramenée par les prophètes et les messagers d'Allah. Et qu'est-ce qui est rapporté dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna? Si quelqu'un prône une croyance qui vient en contradiction avec qu'est-ce qui a été révélé, eh bien cette croyance-là, elle sera rejetée au jour de la résurrection. Et il y a des preuves de ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yani, « Inna dina inda Allah l'islam ». La religion pour Allah, c'est l'islam. « Wa man yabtaghi ghayra l'islami dinan, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati min al-khasirin ». Quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Donc, est-ce que quelqu'un par la suite peut venir et puis dire, non mais toutes les religions sont bonnes, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, hein? Non, c'est clair que c'est celui qui comprend comme il faut l'islam et le tawhid, il sait la différence. Et il cite une parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans son poème An-Nuniyah. Il dit, ils se sont enfuis de la servitude, hein, pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire le fait de servir Allah et d'être soumis à Allah, et ils ont été éprouvés par la servitude de leur passion, de leur âme et du shaitan. C'est-à-dire, ils ont voulu prétendre à la liberté et se libérer de leur créateur et de son adoration, puis Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en les rendant esclaves de leur désir et de leur passion, et esclaves du shaitan. Donc, tous ces gens-là aujourd'hui qui disent, nous on est libres, hein, on est libres, en réalité ils ne sont pas libres, ils sont esclaves. Ils sont esclaves de leur désir, ils sont esclaves de leur passion, ils sont esclaves du shaitan. J'ai jamais vu un plus esclave qu'un kafir devant son patron, qui est en train de lui dire, mets ça, fais ça, mets-toi là, ne te mets pas là, même si c'est quelque chose qu'Allah a interdit, il va le faire. Son patron, il lui dit, yani, tu pries pas. Il dit, ok, je prie pas. Prie, okay, hein, ou bien fais telle chose, amène de l'alcool, va le mettre à tel endroit, prends ça, fais ça. Et le patron, il l'obéit. Il est devenu esclave de son patron. Hein? Pourquoi? Parce que yani, tout ce que son patron il lui demande, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il va lui donner son salaire. Il devient esclave de son patron. Il devient esclave de ses passions. Il veut boire de l'alcool. Il veut aller avec des femmes. Il veut faire tout ce qui est haram. À la fin, est-ce que c'est bon pour lui? Tout ça, c'est mauvais pour lui. Ça détruit sa santé. Ça détruit sa morale. Ça détruit toute sa vie, en fait. Donc, l'être humain qui se libère de son créateur, il devient esclave de tout ce qui est autour de lui. Il devient esclave du shaitan. Il devient esclave de ses passions. Et donc le cheikh dit, ça c'est la réalité de celui qui refuse d'adorer Allah, il est éprouvé par l'adoration d'autres que lui, parmi les désirs et les passions et les interdictions, hein, et l'adoration des diables et des shayatines et des tawarites, et ainsi de suite. Vous voyez par exemple les kuffars qui disent, ouais mais la religion c'est quelque chose que les hommes ont inventé. Hein? Pour eux, c'est ça. La religion, pour eux, c'est Allah. C'est pas Allah qui l'a révélé par les messagers. Non, c'est les hommes qui l'ont inventé eux-mêmes. Et ils prétendent que ça a été inventé pour contrôler les hommes. Hein? Pour les contrôler indirectement. Alors que eux, ils admettent ouvertement que leur loi et leur système, c'est eux qui l'ont inventé et c'est pour contrôler les hommes aussi. Hein? Et ils ne trouvent aucun mal à ça. Donc c'est une contradiction dans ce cas-là. Comment vous dites que la religion elle est pas bonne? Selon eux, la religion elle est pas bonne parce qu'elle est inventée par l'homme pour contrôler les hommes. Et eux, ils inventent un système par lequel ils créent des lois et ils contrôlent les hommes, hein, puis ils disent que ça c'est correct. Tu vois que c'est une ruse en réalité pour éloigner les hommes de la religion et pour contrôler les autres et se donner des privilèges. Hein, et éloigner les gens de la foi. Tandis que si on est tous soumis aux lois d'Allah, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a légiféré les lois, c'est pas pour donner un intérêt à un plus qu'à un autre, puisqu'il est notre créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Hein? Celui qui a créé, ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors qu'il est le doux et le bien informé? Les lois que Allah a révélées, c'est pour le bien de sa création. C'est pour le bien de l'humanité, c'est pour le bien des hommes, c'est pour le bien des femmes. Parce qu'il sait de quoi ils ont besoin, il connaît leur nature profonde. Il sait qu'est-ce qui est le meilleur pour eux. Tandis que l'être humain, est-ce qu'il connaît tout ça? Non. Et c'est pour ça que ces lois sont injustes, ces lois sont contradictoires. Et à chaque fois, on le constate tous les jours. Et donc, le cheikh, il dit, il termine, et on va terminer avec ça. Il dit, donc, celui qui refuse d'adorer Allah seul, hein, et de se soumettre à Allah seul, eh bien, il est éprouvé par l'adoration d'autres que lui, et la soumission à ses passions, et, à ses, et aux choses interdites, et autres. Et il dit, Allah va l'humilier, et il va faire en sorte qu'il devienne esclave, hein, de ses serviteurs. Esclave de ses serviteurs. Et ça, c'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu es soit un serviteur d'Allah et un esclave d'Allah, ou un esclave du shaitan. Tu as le choix. Soit que tu es l'esclave d'Allah, soit que tu es l'esclave du shaitan. Et ça, c'est, il n'y a pas d'autre issue à ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on continuera demain bi'idhnillah. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum.